Nous sommes dans le contexte d'un monde qui connaît plusieurs conflits de haute intensité. C'est pourquoi il parle bien sûr de cette décennie. Sur plusieurs conflits de haute intensité, entre autres, nous pouvons citer le conflit, ce qui se passe du côté de la Syrie, où vous avez, je ne sais pas, toute une gamme, en tout cas, des systèmes de défense, des systèmes d'attaque qui sont opérationnels, des missiles de défense anti-aérienne, des missiles d'attaque sol-sol. Donc, c'est des conflits de haute intensité, et non seulement en Syrie, prenons aussi du côté du conflit entre Azerbaïdjan et Arménie, donc au niveau de ce qu'on appelle le Haut-Karabakh. Là-bas encore, nous avons affaire à un conflit de haute intensité. Donc, bien sûr, nous sommes dans une décennie qui est très dangereuse. Autre conflit encore de haute intensité, on peut citer le Yémen et bien sûr l'Éthiopie avec ce qui se passe du côté des Tigrés, même ce qui se passe du côté du Mali. Afrique Média, le monde, c'est nous.